Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. chante. Ouais. Il faut pas toucher vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Tout le monde va partir. Si, je veux bien qu'elle vienne, il n'y a pas de petit machin pour